Dans la situation numéro 1, je suis garé dans le sens de la marche, sur un emplacement réservé. Rien à redire, mon stationnement est correct. En revanche, dans le rétroviseur, j'aperçois une voiture garée à contresens. Dans la situation 2, je suis dans une rue à double sens de circulation, mais garée à contresens. Des places de stationnement existent à droite, je n'ai rien à faire ici. De cette manière, je me crée des difficultés supplémentaires au moment de repartir, surveiller devant, surveiller derrière et couper la route pour revenir dans la voie de droite. Réponse A et D.